page arrachée à la correspondance de Raymond Chandler. Lettre choisie par Bruno Abraham Kremer et Anne Rothenberg. Réalisation Pascal Deux. En direct du studio 110 de la Maison de la Radio. Créateur de Philippe Marlowe, détective privé immortalisé au cinéma par Humphrey Bogart, Raymond Chandler est l'un des grands maîtres du roman noir américain. Un jour, en parcourant la côte du Pacifique en voiture, je me suis mis à lire des magazines bon marché. Et une chose m'a frappé. Ce genre de littérature ne manquait ni de force, ni d'honnêteté sous son aspect fruste. J'en ai conclu que c'était peut-être le bon moment d'apprendre à écrire de la fiction, tout en gagnant un peu d'argent en même temps. À Amish Hamilton, à Alex Barris, à George Harmon Cox, à Dale Warren, à Mrs. Knopf, à Alfred Hitchcock, à Charles Morton, à Mr. Wicks. Premier épisode. À Hamish Hamilton, son éditeur anglais. Pourquoi diable les gens insistent-ils pour avoir des détails autobiographiques? Quelle importance cela a-t-il? Pourquoi faut-il qu'un écrivain parle de lui-même en tant que personne? C'est tellement ennuyeux. Je suis né à Chicago, Illinois, il y a si longtemps que je souhaiterais ne l'avoir jamais dit à personne. Mes parents étaient tous les deux d'origine quaker. Ni l'un ni l'autre ne pratiquaient. Ma mère était née à Waterford, en Irlande. Mon père venait d'une famille de fermiers de Pennsylvanie. À l'âge de 7 ans, j'ai attrapé la scarlatine dans un hôtel. Il paraît que c'est là un tour de force. Je me souviens principalement des crèmes glacées et du plaisir d'arracher les peaux mortes pendant la convalescence. Je suis resté 5 ans à Dulwich, puis j'ai vécu en France et en Allemagne pendant 2 autres années. Pendant plusieurs années, j'avais été journaliste indépendant à Londres, d'une façon fort distinguée. Je rédigeais des critiques littéraires, des chroniques, des articles, des poèmes, des choses ici et là. J'avais manifesté jusque-là qu'un très mince talent d'écrivain, et cela avec un snobisme effrayant. J'ai débarqué en Californie avec une magnifique garde-robe, l'accent des public schools, pas de dons particuliers pour gagner ma vie, et un mépris pour l'indigène, que j'ai le regret de le constater, je devais conserver dans une certaine mesure jusqu'à aujourd'hui. J'ai mangé pas mal de vaches enragées. À un moment, j'ai travaillé 10 heures par jour pour 25 cents de l'heure à la cueillette des abricots. Ensuite, j'ai travaillé pour un fabricant d'articles de sport. Je cordais des raquettes de tennis pour $12,50 la semaine de 54 heures. J'ai appris la comptabilité tout seul. Puis, mon ascension a été aussi rapide que celle d'un séquoia. J'avais les affaires en horreur. Mais j'ai quand même réussi à devenir un personnage important dans une demi-douzaine de compagnies pétrolières indépendantes. La dépression a mis fin à tout cela. Pour l'époque, je devais représenter un luxe exorbitant. En parcourant la côte du Pacifique en voiture, je me suis mis à lire des magazines bon marché. Parce qu'on pouvait les jeter. Je n'avais jamais eu le moindre goût pour ce qu'on appelle les magazines féminins. C'était la grande époque de Black Mask. Et une chose m'a frappé. Ce genre de littérature ne manquait ni de force, ni d'honnêteté sous son aspect fruste. J'en ai conclu que c'était peut-être le bon moment d'apprendre à écrire de la fiction, tout en gagnant un peu d'argent en même temps. J'ai alors passé 5 mois sur un roman de 18 000 mots, Les Maîtres Chanteurs, que j'ai vendu pour $180. Après quoi, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Non, sans avoir souvent bien du mal à aller de l'avant. Lettre du 17 octobre 1939 à son ami George Harmon Hawks, auteur de romans policiers. Cher George, écrire ne m'a jamais rapporté d'argent. Je travaille trop lentement, je jette trop. Et ce que j'écris et qui se vend n'est pas du tout ce que je voudrais écrire. J'envie souvent ces gars qui sont exactement sur la longueur d'onde des magazines chics, si bien qu'on trouve bon tout ce qu'ils écrivent. Dernièrement, j'ai vendu une nouvelle au Saturday Evening Post. Je n'avais pas une très haute opinion de l'histoire quand je l'ai écrite, et je me demande encore si elle vaut quelque chose. Quand je l'ai vue imprimée, je l'ai trouvée bonne, mais c'est si trompeur. D'un autre côté, un de mes plus vieux amis a pris la peine de m'écrire 2 pleines pages pour me dire combien c'était mauvais. Cela a dû vous arriver aussi. On peut faire ce qu'on veut. On le prend toujours sur la gueule sous un angle inattendu. Depuis, j'ai tout jeté si bien que je n'ai plus rien à montrer et peut-être rien à manger pour les 6 mois à venir. J'aimerais bien aller dans l'Est, si je trouvais un coin pas trop chaud et sans moustiques l'été. Et puis, pas trop froid quand même l'hiver. Est-ce que ça existe, un coin pareil, pour un pauvre pêcheur? J'en ai marre de la Californie et de la population qu'elle produit. Bien sûr que j'aime la Jolla, mais la Jolla est seulement un moyen d'échapper à la réalité. Ce n'est pas atypique. En tout cas, il ne s'agit pas de savoir si la Californie c'est si chouette que ça et si je suis un type impossible. Si en 20 ans je n'ai pas réussi à m'y faire, c'est désespéré. Ma femme est de New York. Elle aime beaucoup la Californie, sauf pendant les mois chauds. Mais je crois qu'elle est de mon avis quand je prétends que le pourcentage de sales cons est en progression constante. Dans les années ou les siècles à venir, il est bien certain que ce sera le centre de la civilisation, si il en reste une. Mais la phase intermédiaire m'ennuie terriblement. Chez les gens, j'apprécie les bonnes manières, le charme, un certain sens des convenances et un niveau d'éducation plutôt supérieur à celui des lecteurs du Reader's Digest. Les gens dont la fierté de vivre ne se manifeste pas par le bric-à-brac de leur jardin ou de leurs automobiles. Avec l'espoir de vous lire bientôt, Ray. ...1939. C'est l'année de la création de son personnage, Philip Marlowe. Il apparaît pour la première fois dans son roman The Big Sleep, Le Grand Sommeil. Il était à peu près 11h du matin. On arrivait à la mi-octobre et, sous le soleil voilé, l'horizon limpide des collines semblait prêt à accueillir une averse carabinée. Je portais mon complet bleu poudre, une chemise bleu foncé, une cravate et une pochette assortie, des souliers noirs et des chaussettes de laine noires à baguettes bleu foncé. J'étais correct, propre, rasé, à jeun, et je m'en souciais comme d'une guigne. J'étais des pieds à la tête, le détective privé bien habillé. J'avais rendez-vous avec 4 millions de dollars. My name's Marlowe. General Sternwood wanted to see me. Yes, Mr. Marlowe. Will you come in, please, sir? I'll tell the general that you're here. Thank you. Lettre du 22 octobre 1942 à Mrs. Knopf, femme de son éditeur américain, Alfred Knopf. Désolé, chère madame, que vous soyez contrariée par le chiffre des ventes de mon troisième roman, La Grande Fenêtre. J'espère que le prochain sera plus vivant, meilleur, plus rapide, car vous ne l'ignorez pas. Ce qui compte, c'est le rythme, et non pas la logique ou la vraisemblance du style. Oui, mon prochain sera meilleur, et un de ces jours, je finirai par en pondre un qui aura ce quelque chose de frais et d'immédiat qui fait marcher le déclic. Mais surtout, âme sensible. J'espère que le jour viendra où je n'aurai plus à gambader autour de Dashiell Hammett et de James Cain, comme le singe d'un joueur d'orgue de barbarie. Je n'ai rien contre Hammett. Il est parfait. Il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas faire, mais dans ses limites, il était superbe. Mais James Cain, tout ce qu'il touche sent le bouc. Il représente tout ce que je déteste chez un écrivain. Le faux naïf, le Proust en bleu plein de cambouis, le sale gamin avec un bout de craie et une palissade quand personne ne regarde. Les gens comme lui sont la lie de la littérature, non pas parce qu'ils parlent de choses sales, mais parce qu'ils le font salement. Un bordel, avec un relent de parfum à 4 sous au salon et un seau d'eau sale derrière. Pour l'amour du ciel, est-ce l'impression que je produis ? avec son éternel sac de couchage. Hemingway est devenu assommant, certes, mais au moins voit-il tout, et pas seulement les mouches sur la poubelle. Bon, je crois que je vais écrire un roman policier dans le style anglais, avec le commissaire principal Jones et deux vieilles filles dans un cottage au toit de chaume. Il y aura dedans du latin, de la musique, des meubles anciens, plus un gentleman pour gentleman, et puis surtout de longues promenades à pied. Bien à vous, Raymond Chandler. Eh oui, cher Jamie, en 1943, je suis parti pour Hollywood travailler avec Billy Wilder pour Assurance sur la mort. Ça aurait été une expérience atroce, qui a sans doute abrégé ma vie, mais j'ai appris sur la rédaction d'un scénario tout ce que j'étais capable d'apprendre, ce qui ne fait pas beaucoup. J'étais sous contrat avec la Paramount et j'ai fait plusieurs films pour eux, y compris un scénario original, Le Dahlia Bleu, où je suis parti de zéro, je veux dire sans intrigue au départ. Et le tournage était terminé 20 semaines plus tard. À l'époque, on m'a dit que cela constituait une sorte de record pour un film à gros budget. Tous mes livres, sauf Fais pas ta rosière, ont été filmés. Comme tous les écrivains, j'étais persuadé au début qu'il devait exister une méthode pour travailler dans le cinéma sans complètement gâcher le talent littéraire que l'on se trouve posséder. Mais comme d'autres avant moi, j'ai découvert que c'était un rêve. Ce n'est la faute de personne. Cela fait juste partie de la structure de cette industrie. Trop de gens ont trop de choses à dire sur le travail de scénariste. Ce qu'il fait ne lui appartient plus. Et au bout d'un moment, il cesse de s'en soucier. Il a de brèves flambées d'enthousiasme, mais qui s'éteignent avant de s'épanouir. Des gens qui ne savent pas écrire lui disent comment il faut s'y prendre. Il rencontre des personnages intelligents et des personnes intéressantes, et il peut même former des amitiés durables. Mais tout cela est en marge de son vrai travail, qui est d'écrire. Le scénariste avisé, c'est celui qui, en ce qui concerne son art, porte son costume numéro 2 et qui ne prend pas les choses trop à cœur. Il lui faut une touche de cynisme, juste une petite touche. Le cynique intégral est aussi inutile à Hollywood qu'il l'est à lui-même. Il doit faire de son mieux sans se forcer. En ce qui concerne son travail, il lui faut être d'une honnêteté scrupuleuse, mais il ne doit pas s'attendre à être payé de retour. Il serait déçu. Et quand il en aura eu assez, qu'il dise au revoir avec le sourire, parce qu'il se pourrait bien qu'il y retourne. Lettre du 12 octobre 1944 à Charles Morton, rédacteur en chef de la revue The Atlantic Monthly. Cher Charles Morton, un article, un pamphlet sur le travail de scénariste, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien écrire. Mais quand ? Je n'en sais rien. Je suis au beau milieu d'une aventure de Philip Marlowe et je ne suis peut-être pas prêt de m'en sortir. Je voudrais bien, mais je suis le genre de type qui écrit 30 000 mots pour n'en garder que 5. Ça fait du travail. Vous savez, je suis tout à fait de votre avis. Ça ne peut pas faire de mal, même à un écrivain, d'utiliser une cervelle encalaminée pour essayer d'en tirer une idée de temps en temps. D'autre part, je me fais vieux. J'ai le cerveau qui frotte contre le cervelet. Ça grince un peu. Et il faudrait bien que j'arrive à sortir un bouquin avant qu'on ne m'oublie définitivement. Un homme de talent vous torcherait ça en un mois. Un bon artisan sans talent en moins de 2. Quant au génie, alors là, il ne l'écrirait pas du tout. Moi, il va me falloir encore 3 bons mois, rien que pour le brouillon. J'ai de bonnes idées pour à peu près 4 livres, mais le travail pour mettre cela sur pied m'épouvante. Il vaudrait mieux que vous n'attendiez rien de moi jusqu'à ce que vous l'ayez. Tout à vous. Ray. Lettre du 12 janvier 1946 à Alfred Knopf, son éditeur américain. Cher Alfred, je suis en grève à la Paramount. Une grève à moi tout seul. Donc je n'ai plus de secrétaire car je n'ai plus d'emploi dans le cinéma. En termes techniques, je suis suspendu. Parce que j'ai refusé de me soumettre à un contrat qui ne correspond pas à ma véritable position dans l'industrie cinématographique. J'en ai demandé l'annulation, mais cela m'a été refusé. Paramount prétend que je n'ai pas le droit d'écrire pour moi pendant que je suis suspendu. Leur argument ne tient pas à mon avis, mais ils possèdent tout ce qu'il faut pour me faire des histoires sans que cela leur coûte un sou. Et j'ai pas du tout l'intention de dépenser un argent chèrement acquis, Dieu sait si ce fut chèrement en procès. Je préférerais encore y retourner pour leur donner les deux films que je leur dois. Un des points délicats, c'est qu'il semble tout à fait impossible de leur faire admettre qu'on peut renoncer à un salaire énorme pour un autre motif qu'une simple manœuvre tactique destinée à se voir offrir un salaire encore plus colossal. Or, ce que je veux, c'est quelque chose de bien différent. Je ne veux plus être harcelé par des dates impératives, des pressions anormales. Je veux avoir le droit de travailler avec les rares personnes à Hollywood qui voudraient faire les meilleurs films possibles, à l'intérieur d'un moyen d'expression populaire, sans répéter les vieilles recettes éculées. Rien qu'un petit peu. J'essaie de finir une aventure de Marlowe. Je me trouve un peu dans une impasse. La nécessité de garder le personnage en vie s'impose pour plusieurs raisons pratiques. Entre autres, la menace d'un programme radiophonique qui risque d'aboutir et de continuer pendant plusieurs années. Mais ce genre de truc ne me passionne plus. Je me berne moi-même. Vous savez, depuis le début, depuis mon premier polar, la question a toujours été pour moi, à part bien sûr le simple fait d'écrire une histoire, d'y introduire quelque chose susceptible de ne pas faire fuir le public, tout en lui apportant, peut-être à son insu, cet élément qui l'imprégnerait lentement pour lui laisser comme une petite lueur. Hollywood m'a beaucoup appris. N'allez pas croire que je méprise complètement Hollywood. Ce n'est pas vrai. La meilleure preuve, c'est que je serais prêt à travailler encore pour tous mes producteurs et que, malgré mes accès de mauvaise humeur, serais ravi de travailler avec moi. N'empêche que la toile de fond, peut-on dire, c'est celle de... une communauté effritée à l'idéalisme de façade. Tout ça sans la prétention, l'enthousiasme simulé, l'alcoolisme, l'intrigue, les incessantes querelles d'argent, les grands patrons qui se pavanent, les agents omniprésents, les coups fourrés, et la peur qu'ont les gens dans tout ce bordel de perdre cette mine d'or pour se retrouver les minables qu'ils n'ont jamais en somme cessé d'être. Splendide sujet de roman. Sans doute le plus beau qui reste. Mais comment s'y attaquer ? You long, Joe ? Yeah, except for this. Except... My. Such a lot of guns around town. It's a few brains. You know, you're the second guy I've met today that seems to think a gat in the hand means the world with a tail. Put it down, Joe. À Hamish Hamilton, mai 1946. Cher Jamie, si un jour vous voyez le film Le Grand Sommeil, vous comprendrez ce que peut faire de ce genre d'histoire un metteur en scène qui a le sens de l'atmosphère et la touche voulue de sadisme discret. Humphrey Bogart, bien sûr, est très supérieur à tous les autres durs du cinéma. Comme on dit ici, Bogart sait être dur même sans revolver. De plus... il a ce sens de l'humour avec un sous-entendu grinçant de mépris. Bogart, c'est l'article extra. Tout ce qu'il lui faut pour dominer une scène, c'est d'y être. Le Grand Sommeil a une histoire malheureuse. La fille qui interprétait le rôle de la sœur, vaguement nymphomane, était tellement bonne qu'elle écrasait complètement Miss Bacall. Alors ils ont coupé le film, de telle façon qu'on lui a ôté toutes ses meilleures scènes, sauf une. Évidemment, le résultat ne tenait pas debout et Howard Hawks a menacé de faire un procès pour empêcher Warner de sortir le film. Après d'interminables discussions, si j'ai bien compris, il y est retourné et il a tourné pas mal d'autres scènes. Je n'ai pas vu le résultat. On ne m'a même pas montré le film en projection privée. Mais Si Hawks arrive à faire ce qu'il veut, ce sera le meilleur film dans son genre. Comme je n'ai rien eu à y faire, je dis cela avec un vague regret. Bon. Ce n'est pas exactement vrai parce que, de temps en temps, Hawks n'était pas satisfait de son scénario et il se référait à mon livre et filmait directement. Comme vous le savez, fin 46, j'en ai eu assez. Je suis allé m'installer tout à côté du bruit de la mer, à la Djola. Ma maison est au pied d'une falaise peu élevée. Une bien belle maison, que ne pouvait espérer un auteur de polar au chômage. J'ai enfin pu travailler à un autre Marlowe, fait pâte à rosière. Car je pense que, pour des raisons commerciales et professionnelles, il était beaucoup trop précieux pour que je le laisse tomber. Puis, j'ai fini quelques scénarios en cours. Lettre du 7 mars 1947 à Mrs. Robert J. Hogan, professeur dans le New Jersey. Chère Miss Hogan, il est bien clair que lorsque des gens de la qualité de Charles Morton affirment que mes nouvelles sont bien supérieures à tout ce que Hammett a bien pu écrire, ils ne parlent pas de la qualité de l'énigme, de la violence ou de l'intrigue, mais de cette fameuse qualité du grain. Une de mes particularités en tant qu'écrivain est une de mes difficultés. C'est que je ne veux rien élaguer. On m'a souvent dit que c'était là une attitude d'amateur. Après avoir travaillé à Hollywood, où l'analyse du plan et des mobiles est impitoyablement poussée chaque jour jusqu'au bout, j'ai fini par comprendre que ce qui m'avait toujours arrêté, c'est le problème de l'intrigue. Parce que je refuse de la prévoir trop à l'avance. J'écris quelque chose qui me plaît, j'ai ensuite toutes les peines du monde à fourrer ça dans l'intrigue. Une autre de mes manies, et j'y tiens absolument, est que l'on ne sait jamais où on en est de l'histoire avant d'avoir terminé le premier jet. C'est pourquoi je considère toujours ce premier jet comme un matériau brut. On ne peut pas combiner une histoire, il faut la distiller. Au bout du compte, si peu qu'on en parle ou qu'on y pense, ce qu'il y a de plus durable, c'est le style. Et c'est le meilleur investissement qu'un écrivain puisse faire de son temps. Le revenu est lent. Ça fera ricaner votre agent littéraire. Votre éditeur n'y comprendra rien. Et ce sont des gens dont on n'a jamais entendu parler qui les convaincront petit à petit que l'écrivain qui met sa marque individuelle sur ce qu'il écrit est toujours un bon placement. Mais le style, on n'y parvient pas en essayant, car le style auquel je songe est une projection de la personnalité. Et avant de pouvoir projeter une personnalité, eh bien, il convient d'en avoir une. C'est le produit de la qualité de ses émotions et de ses perceptions. C'est la faculté de les transcrire sur le papier qui fait l'écrivain. À l'inverse d'une multitude de gens dont les émotions sont tout aussi vives et les perceptions aussi aiguës, mais qui seront toujours à des billions de kilomètres de pouvoir les transcrire sur le papier. Bien à vous, Raymond Chandler. C'était Page arrachée à la correspondance de Raymond Chandler. Lettre choisie par Bruno Abraham Kremer et Anne Rothenberg. Lue par Bruno Abraham Kremer et Pauline Moulin. Musique originale, Dominique Massa. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Pascal Deux. Les deux volumes de la correspondance de Raymond Chandler sont parus dans une traduction de Michel Doury aux éditions Bourgois, puis aux éditions 10-18.